Lumberjanes, c'est la série en VO l'année dernière qui a eu le plus de hype, puisque lauréate de deux Eisner Awards, celui de la meilleure nouvelle série et de la meilleure publication pour adolescents. À la tête de Lumberjanes, on retrouve Noël Stevenson, connu évidemment pour Nimona, dispo en VF chez Dargo, mais aussi Shannon Waters, Grace Ellis et Brooke Allen. Dans ce premier tome, on retrouve les 4 premiers singles de la série Lumberjanes, publiés aux États-Unis chez Boom Studio dans le label Boombox. Alors que sont les Lumberjanes? Eh bien, les Lumberjanes, c'est une forme de scout pour filles, pour simplifier, on va dire. Donc c'est un camp de jeunes filles qui a lieu pendant l'été et on va suivre les aventures de 5 jeunes filles, Jo, April, Mal, Molly et Ripley. Qui sont toutes très différentes, mais qui ont donc le point commun d'appartenir aux Lumberjanes et qui ont surtout un goût pour l'aventure. Deux mots d'ordre principaux chez les Lumberjanes, la découverte de la nature, son respect, apprendre à aimer la nature, les espèces végétales ou animales, et puis également une devise, l'amitié à la puissance max. Donc voilà le cadre pour comprendre un petit peu ce que sont les Lumberjanes. Autour de ce camp, beaucoup de mystères, beaucoup de choses vont se dérouler. Les 5 protagonistes vont être confrontés à plusieurs dangers, plusieurs aventures un peu toutes plus folles les unes que les autres et toutes plus irréalistes les unes que les autres, jusqu'à rencontrer un camp de scouts garçons. Je vous laisse découvrir sans plus vous en dire pour ne pas trop vous spoiler, parce que l'intrigue est quand même... Assez simple, hein, puisque c'est un public jeune qui est visé, surtout. Ce bouquin, clairement, moi, quand je l'ai terminé, oui, même tout au long de ma lecture, je me suis dit, c'est le manuel des Castors Junior 2.0. Tout simplement. Rappelez-vous les Castors Junior, incarnés notamment par Riri, Fifi et Loulou dans l'univers Disney et Picsou Magazine. Et bien là, voilà, clairement, le livre se présente comme un manuel. On a même le manuel appartient à, et on met notre nom, etc. au début du livre. Et puis on a plein de petits conseils pour être une bonne Lumberjane. Que représentent les badges? Quel est le serment? Voilà, pas mal de bonus qui font que ce... Oui, on a la BD, mais tout est tourné comme si on lisait le manuel des Lumberjanes en même temps qu'on suit les aventures de ces 5 filles-là. Aventures qui sont très sympathiques. Il y a vraiment quelque chose autour de ces 5 personnages-là qui sont très attachants, très différenciés. Et voilà, il y a aussi un message, alors certes, toujours à hauteur d'un public plutôt jeune, hein, donc on n'est pas dans la grande métaphore, etc. Mais voilà, il y a quand même des bons messages qui sont passés, des messages positifs. Une vraie histoire d'amitié, de tolérance, et puis de multiples degrés de lecture, puisque je suis a priori pas le public pour ce genre de série, et pourtant j'ai apprécié, et j'ai envie, et je pense que je continuerai, et que j'irai découvrir le numéro 2 quand il sortira, plus tard, en 2016. Les dessins sont plutôt simples, très cartoonis, et collent bien à l'ambiance de la série. C'est drôle, il y a beaucoup d'énergie dans le scénario, dans les dialogues, mais dans le lettrage qui est fait à la main, mais aussi dans les dessins ouais, qui sont très dynamiques. Et puis le tout donne voilà, un ton moderne. Voilà, quand je parle de manuel des Castors Junior 2.0, le 2.0 est évidemment important, et on est vraiment dans la modernité et dans des choses très actuelles. En ce qui concerne l'édition proposée par Urban Comics, elle colle plutôt à ce qui était proposé en VO. Elle est garnie, truffée de bonus, énormément de bonus à la fin, des fiches sur les personnages, sur leur histoire. Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on en apprend plus sur les personnages que ce que l'histoire nous en raconte, donc du coup j'ai peur qu'on ait un petit peu de spoiler par rapport à ce qui nous attend pour la suite. Pas mal de croquis préparatoires, une galerie de couverture, et puis bah, cet aspect manuel et le jeu qui est joué jusqu'au bout, jusque sur la première page en forme d'étiquette où on peut mettre notre nom. Donc ouais, grande réussite éditoriale du format cartonné pour 14€ et dans une gamme destinée à un public kids. Donc grande réussite pour Urban. La note pour ce tome 1 de Lumberjanes, 15.3. Si vous voulez le détail, vous pouvez aller sur comicstories.fr pour le découvrir. Excellente note donc, plutôt pour ce tome qui est la bonne surprise de ce début d'année pour moi. N'hésitez pas vous aussi à donner une note à Lumberjanes tome 1 sur comicstories.fr et à nous laisser votre avis en commentaire. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine review.